Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Union, notre nouvelle émission dédiée 100% à l'Union portugaise. Vous êtes bien en compagnie de Fernanda et on est ensemble jusqu'à 19h30. Aujourd'hui, donc pour notre première émission, on aura la chance de recevoir le président de l'Union portugaise qui viendra dans quelques instants nous parler un peu de son expérience dans l'association. Et avant de le recevoir, on va faire un point sur l'actualité du week-end. Donc j'aurai avec moi Yousra qui fera les reportages avec les entraîneurs, les joueurs. Donc elle a commencé ce week-end. Malheureusement, on commence avec un week-end 100% défaite. Mais voilà, on assume et on en parlera quand même tout de suite ensemble. Juste une petite musique avant de commencer. Et on se retrouve juste après Coldplay, Viva la Vida. Missionaries in a foreign field. For some reason I Carrera David. D-A-Y. What you be? Obrigado la famille. Tous mains dans la main depuis qu'on est gamins. Unis pour toute la vie. Rien ni personne ne nous séparera. On n'a pas toujours les mots pour se dire je t'aime, mais il en faudrait trop. Obrigado la famille. Celle qui m'empresse et qui m'accepte comme je suis. Chaque fois que je vous vois, je sais quand vous faites partie des miens. Chaque fois que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. Oh, oh, oh, on garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Oh, oh, oh, on s'entraîne entre nous et ça nous suffit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, la famille. Obrigado la famille, on s'entraide dans la famille. J'amène toucher la farine, quitte à galérer rue saline. On s'installe si les cœurs salines, le courage mieux que l'argent. Donc on agit, n'est-ce pas de salive. Désolé monsieur l'agent, mafia africaine, l'emblème. Ensemble on a tout fait, ensemble on a douté. À s'en dérouter, mais soudés comme des si à moi. Jamais on ne se plie aux lois, on sent comme des rois. Même dans la merde, donc on est sous un toit. Ne simule pas l'amour entre nous, pas de bluff chez nous. Et pas de vol si vous êtes contre nous. On stresse contre vous, c'est chaque fois que je vous vois, je sais quand vous faites partie des miens. Chaque fois que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. Oh, oh, oh, on garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Oh, oh, oh, on s'entraîne entre nous et ça nous suffit. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado la famille. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado la famille. Oh, oh, oh, on garde la tête haute et ça quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Oh, oh, oh, on s'entraîne entre nous et ça nous suffit. Donc vous êtes toujours sur Arc-en-Ciel, 100% Union, l'émission dédiée 100% à l'Union portugaise. Donc on va revenir sur les matchs du week-end. Donc ça a été un week-end où peu d'équipes ont joué, donc le Covid affecte encore beaucoup les championnats sur toutes les catégories. Donc entre les enfants qui sont cas contact et les enfants qui sont positifs, on a eu pas mal d'équipes dont les matchs ont dû être reportés. Premier match du week-end, c'était donc nos U13 qui sont allés à Fleury, donc affronter le CJF, défaite 4-1. Donc c'était un premier match pour nos U13 en cette deuxième phase. Yousra était avec eux et elle a pu interviewer deux joueurs, donc Siméon et Noah. Donc on va écouter leur interview. Donc c'est deux jeunes garçons qui ont 11 et 12 ans. Donc vous l'entendrez, ils ont bien commenté, je pense, et ils ont donné leur avis et un peu leur impression sur le match. Je pense que perdait le match et on n'écoutait pas très bien les consignes du coach. Et voilà, si on les applique mal, bah, on va perdre. D'accord, donc d'après vous, c'est seulement des erreurs de votre part, donc les joueurs, une mauvaise compréhension des consignes ou seulement une non-application tout simplement des consignes qui vous ont été données par votre coach? Une non-application parce que tout le temps à l'entraînement, on les répète, mais ça rentre jamais. Et samedi, on fait toujours les mêmes erreurs. Donc après l'interview de Sibéon au poste de milieu de terrain. Donc on a un petit souci au niveau des audios. On va vous mettre une petite musique le temps qu'on arrive à résoudre ce petit problème. Tu es sur séance. Non mais mires mas, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non mais mires mas, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Si tu juegas con el peligro. Ça fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle que de toi, il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Hey, il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Est devenu sa joie, mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Déjà plus d'une semaine et je n'ai plus trop de tes nouvelles. N'es-tu pas content pour moi? Toi qui es mon ami, je sens que tu t'es loin de moi. Hey, à chaque fois que je suis avec elle, vos regards ne sont plus les mêmes. Je deviens parano quand mon ami m'a-tu planté un couteau dans le dos. Amigo, amigo.

cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Vous êtes toujours sur Arc-en-Ciel. On a, je pense, résolu nos petits soucis techniques. Donc, c'est pour une première. Donc, évidemment, il y a toujours des petits aléas du direct, comme on dit. Donc, on va pouvoir revenir sur les interviews de nos joueurs. Donc, on commence par les interviews des U13, donc suite à leur défaite 4-1 face à Fleury. Donc, on commence par Siméon. Donc, nous sommes avec l'équipe de l'Union Portugaise, les U13, en compagnie du capitaine Siméon, numéro 6. Donc, Siméon, vous pouvez nous expliquer un peu ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Une défaite 4-1. Donc, j'aimerais avoir votre analyse sur ce match, s'il vous plaît. On n'a pas très bien joué. On n'était pas tous à notre place. On lâchait beaucoup nos postes. Du coup, on devait rattraper nos erreurs et qu'ils entraînaient d'autres erreurs. Et voilà, je pense qu'on perdait le match et on n'écoutait pas très bien les consignes du coach. Et voilà, si on les applique mal, bah, on va perdre. D'accord, donc d'après vous, c'est seulement des erreurs de votre part, donc les joueurs, une mauvaise compréhension des consignes ou seulement une non-application tout simplement des consignes qui vous ont été données par votre coach? Une non-application, parce que tout le temps à l'entraînement, on les répète, mais ça rentre jamais. Et samedi, on fait toujours les mêmes erreurs. D'accord, donc vous pensez que qu'est-ce qu'il faudrait changer pour cette deuxième partie de saison qui commence pas très bien du coup pour le coup? Bah, c'est travailler à l'entraînement et ce qu'on apprend, le refaire en match. Et ne faut pas qu'on nous le répète, parce que si on travaille tout le temps, le coach il a pas besoin de nous répéter ce qu'on doit faire. D'accord, donc si j'analyse bien ce que vous êtes en train de me dire, il faut seulement plus de travail à l'entraînement et peut-être une meilleure cohésion d'équipe le week-end au match. Bah, merci Siméon. Donc après l'interview de Siméon au poste de milieu de terrain, je vais passer au défenseur central, Noah. Donc Noah, qu'est-ce qui s'est blessé en cours de match? Alors qu'est-ce que vous avez pensé, vous, depuis le terrain du match de vos coéquipiers? C'était un mauvais match dans l'ensemble, car on a fait beaucoup d'erreurs. On n'arrivait pas assez à faire des passes. Notre défense a été mauvaise, pas très bonne. Et on a raté beaucoup, beaucoup trop d'occasions. Et voilà. Donc, même analyse que son coéquipier. Donc, pour vous, c'est vraiment un échec collectif. C'est vraiment de la part de tous les joueurs, quoi. C'est pas un joueur en particulier qui a failli aujourd'hui. Non, c'est pas un joueur en particulier. Mais on a tous été mauvais en fait. Pas mauvais, mais pas dans notre meilleur jour. D'accord, bah très bonne continuation pour votre deuxième partie de saison. Non. Donc là, on a eu l'analyse de nos U13. Simeone Noir. L'interview du coach n'a pas fonctionné. Donc lui, pareil, il a la même analyse un peu que ses joueurs. Donc un match compliqué. La blessure de son défenseur n'a pas aidé à ce que ce match se déroule dans des conditions normales. Et il espère un meilleur résultat la semaine prochaine. Ensuite, on avait donc nos U19 qui se déplaçaient à Autry même pour un match de championnat. Donc nos U19 sont en première division actuellement. Donc une défaite 1-0, un but sur les dernières minutes du match. Donc on va écouter les joueurs U19 et leur analyse, et on aura ensuite l'analyse du coach. Subir une première défaite lors de son championnat. Comment analysez-vous le match ? Un match très compliqué avec un terrain très compliqué. On a essayé d'aller vers l'avant. L'équipe nous a contrés et sur une dernière minute, ils mettent un but. Match très difficile, on est déçus. Et pour le futur, ça va se passer comment ? Vous allez essayer de réagir ? On va réagir, on va rester la tête haute. Et pour le prochain match, partir avec une victoire. Très bien, merci. Merci à vous. Donc, je suis avec Xavier, coach des U19. Tes impressions sur ce premier match, premier résultat négatif, une défaite 1-0 face à Poilly-Autry. Ouais, alors conditions compliquées, terrain très compliqué. On était attendus, ils ont joué leur jeu. On aurait pu espérer mieux si on avait marqué les premiers. Malheureusement, on n'a jamais pu marquer ce but. Et du coup, on s'est frustré, on s'est compliqué la vie. On a voulu faire les choses de façon individuelle et on a oublié le collectif. Et puis, à 2 minutes de la fin, on s'est fait punir sur un contre qu'on a mal négocié défensivement. Et puis voilà quoi. Donc il y a pas grand chose à retenir. On part donc avec une défaite pour ce premier match. Et c'est dommage. La saison va être longue. C'est des matchs aller-retour. Donc qu'est-ce que tu peux attendre, ou qu'est-ce que vous pourrez proposer vous après au match retour, ou qu'est-ce qui changera d'après toi quand le match se fera chez nous? Normalement on sera sur synthétique, donc le ballon va rouler, etc. Donc ça va être quand même un peu plus simple pour essayer de développer du foot. En termes de résultats, j'attends des joueurs une réaction dès le prochain match, qui va être encore un déplacement, et je crois que ça va être aussi sur un terrain compliqué, du côté de Orm. Donc on va bien voir le répondant des joueurs et des samedis prochains. Suite au match des U19, on avait les U17 qui recevaient une équipe de Boigny à Lillaro. Donc le coach était le même, Xavier. Donc défaite 2-1 pour nos U17. Donc on commencera avec l'analyse avec deux joueurs, puis elle se terminera avec le coach Xavier, qui d'ailleurs est arrivé en studio aujourd'hui, et on aura peut-être ses impressions passées 2-3 jours. Donc on est avec Aymen, capitaine des U17. Tes impressions après ce premier match? Un match qu'on a bien joué. On a d'ailleurs marqué un but, mais par penalty. Au niveau défaut, c'est les c'est les passes aux profondeurs et les finitions. Aussi en défense centrale, on a un petit peu du mal. Au moins arcage et tout ça. Donc d'après toi, qu'est-ce qu'il a manqué sur ce match et qu'est-ce que vous avez à travailler pour les prochains? Ce qui nous manque, c'est un esprit d'équipe, genre de l'ensemble, et aussi travailler la vivacité, aussi genre lâcher la balle plus vite et être plus rapide niveau physiquement. Merci Aymen et bonne saison à toi. On est avec Abla, buteur de la rencontre pour ce match des U17. Tes impressions, toi, sur le match? Défaite méritée, selon moi. On a commencé ce match avec beaucoup de sérieux. Une entame de première mi-temps difficile, beaucoup de lacunes défensives, pas assez efficace devant le but, des problèmes de communication et de profondeur. Et voilà, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, pour les prochains matchs qui arrivent? Tout d'abord, beaucoup plus de discipline dans l'entraînement, pour être plus près dans les matchs et travailler tous les défauts de l'équipe. Ok, en tout cas c'est tout. Enfin, ce qu'on vous souhaite c'est des victoires sur les prochains matchs. Merci Hamza et bravo pour ton but. Donc je suis avec Xavier, coach des U17. Leur premier match de cette deuxième phase vient de se terminer. Défaite 2-1. Tes impressions sur ce match? On a joué par à coup. Il y a eu 3 pénalties au final sur ce match, hein, qui ont tous été marqués. Et 2 buts refusés. Donc c'était serré. On aurait pu espérer mieux. On aurait dû faire mieux même. Malheureusement, bah voilà, pénalty à la dernière minute qui nous entraîne dans la défaite. Donc on va falloir vite se ressaisir également. Qu'est-ce que toi t'attends de ton groupe pour le reste de la saison? Là, vous avez déjà fait quelques matchs en première phase. La deuxième phase donc vient de commencer. Est-ce que tu as vu des progrès, des améliorations, ou est-ce qu'il y a encore du travail? Enfin, vu le résultat, je pense que oui. Il y aura toujours du travail, mais j'attends vraiment des joueurs, y compris un peu les joueurs dits entre guillemets secondaires, qui auront certainement plus leur chance dans cette seconde phase, qui prennent un peu plus d'initiatives et d'ampleur dans le jeu. Dans chaque équipe, on a besoin de leaders, et pour l'instant, je les ai pas encore trouvés dans cette équipe. Et malheureusement, ça manque. J'espère trouver ça rapidement. En attendant, il y avait quelques phases intéressantes dans le jeu. Il faut essayer de continuer là-dessus. Et puis, se défendre comme on peut, pour moi, dans une division où on ne devrait pas être. Ok. Donc voilà l'analyse de nos acteurs du week-end. Donc merci déjà aux joueurs d'avoir joué le jeu. Donc c'est vrai que, surtout pour les plus jeunes, j'imagine que c'est pas facile de répondre à des questions, ils n'étaient pas forcément préparés, mais je pense que dans l'ensemble, ils ont quand même bien répondu avec des analyses assez sérieuses de leur match. Donc on va juste faire une petite pause musicale et ensuite derrière, je vous présenterai mes invités, donc des membres du bureau qui sont aussi coach, puisqu'à l'Union, c'est un peu ça, on a un peu plusieurs casquettes, donc on fait... pas mal de choses, même beaucoup de choses. Et du coup, aujourd'hui, j'ai Xavier avec moi. Donc, vous l'avez déjà entendu, coach des U17, des U19 et membre du bureau. J'ai aussi donc Yousra qui a fait des interviews des U13. Et j'ai Samantha qui est aussi membre du bureau et qui coach les catégories U11 et qui est plus spécialisée aussi dans le coaching des gardiens. Donc, à tout de suite après une petite pause musicale.

Je vais revenir aussi sur le match des seniors qui a eu lieu hier. Donc défaite 5-1 contre Sully-sur-Loire à Sully-sur-Loire. On va d'abord écouter les mots du coach et ensuite on analysera avec Xavier le match d'hier. Alors, déplacement difficile ce week-end à Sully-sur-Loire contre un prétendant de la montée. Donc, bon, une défaite 5-1. Bon, on savait que ça allait être compliqué avec beaucoup d'absences dues à des blessures, des cas Covid. Bon, bah, une première mi-temps plutôt bonne où on aurait pu ouvrir le score, faire le 1-0. Pareil de l'autre côté. Bon, bah, Sully qui ouvre. Petit souci technique, on va revenir dessus donc avec Xavier. Xavier donc qui est avec nous en studio. Xavier, tes impressions sur le match d'hier, une petite analyse complémentaire de celle du coach qu'on n'a pas pu avoir en intégralité. Et voilà, alors déjà avant tout, j'étais pas présent, mais j'ai pu discuter longuement avec l'entraîneur qui m'a un peu raconté les différents faits de match. Faut savoir que avant toute chose, comme peut-être d'autres équipes d'ailleurs, on a été pas mal impacté par les absences dues au Covid, dues à d'autres raisons aussi, pas que le Covid. Donc on s'est présenté avec une équipe quand même largement remaniée, mais et ça c'est ce qu'on veut retenir, c'est une équipe qui s'est battue jusqu'au bout, qui a été solidaire. Il faut savoir que malgré l'ampleur du score, c'est pas forcément mérité puisque en première mi-temps c'était jeu égal, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre et malheureusement ça a basculé du côté de Sully. Ensuite, la seconde mi-temps, l'Union a essayé de rattraper le retard. Et malheureusement, il y a eu, je crois, une erreur individuelle sur le deuxième but. Puis après, en courant devant pour essayer de rattraper le score, on s'est pris des contres. Donc voilà, donc ça a lâché. On a un peu lâché à la fin, mais malgré tout, ce qui est retenu, c'est la solidarité avec une équipe. Et des joueurs qui n'avaient peut-être pas pour habitude de jouer à ce niveau-là. Donc bravo pour la solidarité. Maintenant, pour le résultat, faudra faire mieux et dès le prochain week-end, si possible. Très bien, merci Xavier pour cette analyse. J'ai sous les yeux les classements des seniors. Donc c'est les deux, on va dire, pour les deux équipes seniors, c'est les deux classements qui sont encore en vigueur. Donc il faut savoir que pour les championnats jeunes, à partir du mois de janvier, on repart sur une nouvelle phase. Donc on met en fait un peu les classements à zéro. Donc vu que c'était des premiers matchs, on ne va pas s'attarder sur les classements. Pour les seniors, on est actuellement à la 10e place, donc sur une poule qui compte 13 équipes. On avait peut-être comme objectif de viser la montée. Toi, Xavier, avec les derniers résultats du club et la position à laquelle on est dans le classement, est-ce que pour vous la montée c'est encore jouable ou pour l'instant on va essayer de se maintenir et voir ce qu'on peut faire comme meilleur résultat? C'est complètement ça. On va d'abord, alors la montée, c'était un objectif. Oui, c'était quand même l'objectif du début de saison. Faut l'avouer. On a manqué un peu de chance et de peut-être de finition aussi des fois, enfin d'efficacité dans les deux surfaces sur quelques matchs. Du coup. On a basculé on est un peu dans une position délicate, donc effectivement, faut d'abord penser à se maintenir avant de viser quelque chose peut-être de plus grand. Mais pour l'instant, voilà, place au maintien, et puis on verra bien après ces quelques matchs, ce qu'on pourra faire et en fonction des résultats des derniers matchs, quoi, surtout ça. Ok, très bien Xavier. Du coup, on va commencer par parler avec toi sur, sur ton historique avec l'Union portugaise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oula, alors, donc mon historique, on va dire que ça fait déjà de nombreuses années, peut-être 13-14 ans que je suis arrivé à l'Union portugaise. Tout simplement en tant que coach U11 dans un premier temps, puis après en fonction des départs de certaines équipes dirigeantes, on est amené à prendre un peu de galon entre guillemets, et donc voilà, donc depuis 2010 hein, quand même, depuis 2010 mine de rien, ça commence à faire hein. Donc voilà, donc depuis 2010 à l'Union portugaise, et puis on essaye de se mettre au service des gamins quand on a les équipes de jeunes et de son public quoi, tout simplement. Ok, donc plus personnellement je sais que tu as été le précurseur de l'équipe féminine de l'Union portugaise, donc l'équipe féminine qui est en stand-by pour l'instant, on va dire. Donc moi personnellement, j'ai commencé à l'Union en tant que joueuse de l'équipe féminine, et effectivement avec Xavier en coach, et c'est vrai qu'il a fait beaucoup pour les féminines. Après bon, c'est vrai que du coup on a eu un peu plus de mal à continuer, donc on s'est un peu arrêté. Et donc toi, en plus des féminines, donc tu gères, comme on l'a déjà entendu tout à l'heure, deux équipes, donc les U17 et les U19. Ouais. Ça représente, j'imagine, beaucoup de temps. Oui. Oui, mais je suis aidé. Hein. Je suis aidé. D'ailleurs, je salue ceux qui m'aident, hein, comme Sébastien, Théo, Serge également. Des fois même, Nassira me donne aussi un coup de main. Bah toi aussi, Fernanda, pour les déplacements notamment. Voilà, c'est toute une équipe. Oui, c'est beaucoup de temps, et c'est aussi des bons moments, hein, on va dire. Même si ce week-end-là, on ne l'a pas bien choisi, mais bon. Oui, voilà. C'est vrai qu'effectivement, on démarre notre émission sur un week-end 100% défaite. Je crois que depuis le début de la saison, c'était jamais arrivé. Tout à fait. Il fallait bien une première. Du coup, je vais passer la parole à Samantha, qui est donc avec nous aussi aujourd'hui. Donc Samantha, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est la coach des gardiens jeunes, donc qui intervient avec les catégories de U7 à U13. Et elle est aussi coach de la catégorie U11. Donc Samantha, tu peux nous dire, toi, rapidement, tes débuts à l'Union, ce qui t'a fait venir à l'Union et ce qui te fait rester à l'Union surtout. Oui, du coup, moi je suis arrivée à l'Union en 2016, donc ça va faire 5 ans déjà. Personnellement, jouer au handball, et une partie de l'équipe féminine est venue essayer le hand en tout début d'année 2016 pour voir un peu ce que ça pouvait donner, et moi étant 100% gardienne, j'étais donc gardienne au hand en équipe loisir à Olivet, et puis à partir de là, elles ont vu ce que je pouvais apparemment donner dans les cages, et je me suis retrouvée en essai à l'Union. Ça a été déjà très épique, puisque la première fois que j'ai essayé le foot, on m'a emmené directement à Saint-Jean-de-Bray, directement donc sur le terrain, on m'a mis dans le but qui fait beaucoup plus grand du coup que la taille de mes cages de hand. Et vaille que vaille, une équipe de filles, on s'entendait très bien. Et donc du coup, j'ai quitté le hand pour le foot, donc l'intérieur pour l'extérieur. Et à partir de là, bonjour la pluie, bonjour la grêle, bonjour le froid. En tant que gardien, on apprend tout ça. Mais la force de l'Union, c'est qu'effectivement, le groupe fait avancer les choses. Et l'équipe de filles était super pour ça, donc je suis restée à partir de là. Et puis j'ai poussé un peu plus en dirigeant à partir de 2019, où j'ai pu commencer voir comment c'était avec les petits, avec les U9, hein, et après les catégories un peu plus grands, pour un peu plus être sur le point de vue foot et non juste dans l'apprentissage. Donc la catégorie qui me va le mieux reste les U11. Et à côté de ça, effectivement, j'entraîne les gardiens des catégories U7 à U13. Et effectivement, ça fait un bien fou, puisque on voit que il manque beaucoup dans beaucoup d'équipes. Il n'y a pas d'entraînement spécifique gardien. Et les catégories de cet âge en ont besoin, ne serait-ce que pour les placements et la prise de balle. C'est de la répétition, beaucoup de répétition, mais les enfants, ils adorent ça. Et mine de rien, être gardien, c'est pas donné à tout le monde, surtout pour les petits. C'est suivant tous être numéro 9 et attaquant. Et au final, on trouve des têtes brûlées qui veulent bien aller dans les buts. Et effectivement, faut être tête brûlée pour être dans les buts. Donc voilà un peu le parcours à l'Union. Merci Sam pour cette belle analyse de ton travail à l'Union. Et toi, donc, enfin, ça fait quelques années maintenant que tu es sur le banc. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'être sur le banc plus que sur le terrain, par exemple ? Eh ben, ça permet de voir différemment, effectivement, le foot et d'analyser mieux, effectivement, les possibilités d'évolution des enfants. Et à partir de là, bah voilà, on peut tous les week-ends pouvoir placer différemment les enfants et essayer à différents postes les enfants à partir de là. Merci Sam. Donc là, on fait un point rapide un peu sur le travail un peu de chaque, enfin le travail, oui, les activités de chacun au sein de l'Union. On aura en fonction des prochaines émissions, on sera un peu plus axé sur chaque catégorie. Et là, c'est vrai qu'on pourra en parler un peu plus autant avec les coachs, mais aussi avec les joueurs qui seront certains avec nous et qui nous donneront aussi leur point de vue, parce que c'est important. Il nous reste peu de temps, donc là on va parler avec Yousra des prochaines échéances, donc dès samedi prochain, donc dès ce week-end. Normalement, on espère avec un peu plus de catégories sur les terrains, en fonction si le Covid nous lâche un peu cette semaine. Donc Yousra, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, l'agenda du week-end ? Donc pour ce week-end, l'équipe 1 U13 se déplacera à Bazoch. L'équipe 2 U13 accueillera Pathé et l'équipe U19 se déplacera à Orme, Saint-Gilles-Saint-Thi pour samedi. Et pour dimanche, la senior se déplacera à Bonny-sur-Loire à 15h. Ok, juste une petite précision aussi, on aura les U9 qui seront en plateau à Cléry-Saint-André. Donc ça sera un plateau amical puisque les petits n'ont toujours pas repris la compétition de manière officielle. Donc ça sera des plateaux amicaux pour les plus petits. Et on a les U11 qui seront en challenge ou coupe départementale. Donc la première équipe, Yousra, elle sera à Jouy-le-Potier pour le challenge U11 où elle affrontera Saint-Privé en U10 et Saint-Jean-le-Blanc. Et en coupe départementale, il y a l'équipe 3 U11 qui ira à Orme où elle affrontera l'équipe de la chapelle U10 et Boulet Bristi-Gigi. Et l'équipe 2 ira à Saint-Jean-de-Bray affronter la SMOC ainsi qu'une équipe d'OMA. Donc on souhaite bien évidemment bonne chance à toutes les équipes. On espère la semaine prochaine revenir avec des résultats positifs. Et on va juste finir donc cette émission. On va en profiter pour souhaiter les anniversaires de nos licenciés. Donc on a quelques anniversaires, donc quelques-uns d'hier et quelques-uns pour la semaine qui arrive. Donc Yousra, on t'écoute. Donc hier, on fêtait l'anniversaire de Ludovic, un joueur vétéran, ainsi que de Mauricio, un U17, de Dieu Béni, un U19, et de Angéline Alves, une ancienne joueuse senior. Et samedi prochain, enfin samedi le 29, nous fêterons l'anniversaire de Elias, un U13, et de Adam, un U7. Voilà, donc un joyeux anniversaire à ceux qui ont fêté leurs anniversaires, et pour les autres, on leur souhaitera le moment venu. Donc je voulais vous remercier, vous les invités, d'avoir pris un peu de temps pour être venus ici pour le premier programme 100% Union. Donc auprès des écoutes des auditeurs, alors il y a eu quelques couacs, donc voilà, les aléas du direct, ça s'arrangera sur les prochaines émissions. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vais vous laisser en compagnie